Chapitre 2. Nouvelles croyances religieuses. Premièrement, les dieux de la nature physique. Avant de passer de la formation des tribus à la naissance des cités, il faut mentionner un élément important de la vie intellectuelle de ces antiques populations. Quand nous avons recherché les plus anciennes croyances de ces peuples, nous avons trouvé une religion qui avait pour objet les ancêtres et pour principal symbole le foyer. C'est elle qui a constitué la famille et établi les premières lois. Mais cette race a eu aussi, dans toutes ses branches, une autre religion, celle dont les principales figures ont été Zeus, Héra, Athénée, Junon, celle de l'Olympe hellénique et du Capitole romain. De ces deux religions, la première prenait ses dieux dans l'âme humaine, la seconde prit les siens dans la nature physique. Si le sentiment de la force vive et de la conscience qu'il porte en lui avait inspiré à l'homme la première idée du divin, la vue de cette immensité qui l'entoure et qui l'écrase traça à son sentiment religieux un autre cours. L'homme des premiers temps était sans cesse en présence de la nature. Les habitudes de la vie civilisée ne mettaient pas encore un voile entre elle et lui. Son regard était charmé par ses beautés ou ébloui par ses grandeurs. Il jouissait de la lumière, il s'effrayait de la nuit, et quand il voyait revenir la sainte clarté des cieux, il éprouvait de la reconnaissance. Sa vie était dans les mains de la nature. Il attendait le nuage bienfaisant, d'où dépendait sa récolte. Il redoutait l'orage qui pouvait détruire le travail et l'espoir de toute une année. Il sentait à tout moment sa faiblesse et l'incomparable force de ce qui l'entourait. Il éprouvait perpétuellement un mélange de vénération, d'amour et de terreur pour cette puissante nature. Ce sentiment ne le conduisit pas tout de suite à la conception d'un Dieu unique régissant l'univers, car il n'avait pas encore l'idée de l'univers. Il ne savait pas que la terre, le soleil, les astres sont des parties d'un même corps. La pensée ne lui venait pas qu'ils pussent être gouvernés par un même être. Au premier regard qu'il jeta sur le monde extérieur, l'homme se le figura comme une sorte de république confuse où des forces rivales se faisaient la guerre. Comme il jugeait les choses extérieures d'après lui-même et qu'il sentait en lui une personne libre, il vit aussi dans chaque partie de la création, dans le sol, dans l'arbre, dans le nuage, dans l'eau du fleuve, dans le soleil, autant de personnes semblables à la sienne. Il leur attribua la pensée, la volonté, le choix des actes. Comme il les sentait puissants et qu'ils subissaient leur empire, il avoua sa dépendance. Il les pria et les adora. Il en fit des dieux. Ainsi, dans cette race, l'idée religieuse se présenta sous deux formes très différentes. D'une part, l'homme attacha l'attribut divin au principe invisible, à l'intelligence, à ce qu'il entrevoyait de l'âme, à ce qu'il sentait de sacré en lui. D'autre part, il appliqua son idée du divin aux objets extérieurs qu'il contemplait, qu'il aimait ou redoutait, aux agents physiques qui étaient les maîtres de son bonheur et de sa vie. Ces deux ordres de croyances donnèrent lieu à deux religions que l'on voit durer aussi longtemps que les sociétés grecques et romaines. Elles ne se firent pas la guerre, elles vécurent même en assez bonne intelligence, et se partagèrent l'empire sur l'homme, mais elles ne se confondirent jamais. Elles eurent toujours des dogmes tout à fait distincts, souvent contradictoires, des cérémonies et des pratiques absolument différentes. Le culte des dieux de l'Olympe et celui des héros et des mânes n'eurent jamais entre eux rien de commun. De ces deux religions, laquelle fut la première en date ? On ne saurait le dire. Ce qui est certain, c'est que l'une, celle des morts, ayant été fixée à une époque très lointaine, resta toujours immuable dans ses pratiques, pendant que ses dogmes s'effaçaient peu à peu. L'autre, celle de la nature physique, fut plus progressive et se développa librement à travers les âges, modifiant peu à peu ses légendes et ses doctrines, et augmentant sans cesse son autorité sur l'homme. Deuxièmement, rapport de cette religion avec le développement de la société humaine. On peut croire que les premiers rudiments de cette religion de la nature sont fort antiques. Ils le sont peut-être autant que le culte des ancêtres. Mais comme elle répondait à des conceptions plus générales et plus hautes, il lui fallut beaucoup plus de temps pour se fixer en une doctrine précise. Est-il nécessaire de rappeler toutes les traditions grecques et italiennes qui faisaient de la religion de Jupiter une religion jeune et relativement récente? La Grèce et l'Italie avaient conservé le souvenir d'un temps où les sociétés humaines existaient déjà et où cette religion n'était pas encore formée. Il y a apparence que chez les hindous, les pitris ont été antérieurs aux devas. il est bien avéré qu'elle ne se produisit pas dans le monde en un jour, et qu'elle ne sortit pas toute faite du cerveau d'un homme. On ne voit à l'origine de cette religion ni un prophète, ni un corps de prêtre. Elle naquit dans les différentes intelligences par un effet de leur force naturelle. Chacun se la fit à sa façon. Entre tous ces dieux issus d'esprits divers, il y eut des ressemblances, parce que les idées se formaient en l'homme suivant un mode à peu près uniforme. Mais il y eut aussi une très grande variété, parce que chaque esprit était l'auteur de ces dieux. Il résulta de là que cette religion fut longtemps confuse et que ces dieux furent innombrables. Pourtant, les éléments que l'on pouvait diviniser n'étaient pas très nombreux. Le soleil qui féconde, la terre qui nourrit, le nuage tour à tour bienfaisant ou funeste, telles étaient les principales puissances dont on put faire des dieux. Mais de chacun de ces éléments, des milliers de dieux naquirent. C'est que le même agent physique, aperçu sous des aspects divers, reçut des hommes différents noms. Le soleil, par exemple, fut appelé ici Héraclès, le glorieux, là Phébos, l'éclatant, ailleurs Apollon, celui qui chasse la nuit ou le mal. L'un le nomma l'être élevé, Hyperion, l'autre le bienfaisant, Alexicacos, et à la longue, les groupes d'hommes qui avaient donné ces noms divers à l'astre brillant ne reconnurent pas qu'ils avaient le même dieu. En fait, chaque homme n'adorait qu'un nombre très restreint de divinités, mais les dieux de l'un n'étaient pas ceux de l'autre. Les noms pouvaient à la vérité se ressembler. Beaucoup d'hommes avaient pu donner séparément à leur dieu le nom d'Apollon ou celui d'Hercule. Ces mots appartenaient à la langue usuelle et n'étaient que des adjectifs qui désignaient l'être divin par l'un ou l'autre de ses attributs les plus saillants. Mais sous ce même nom, les différents groupes d'hommes ne pouvaient pas croire qu'il n'y eût qu'un dieu. On comptait des milliers de Jupiter différents. Il y avait une multitude de Minerve, de Diane, de Junon, qui se ressemblaient fort peu. Chacune de ces conceptions s'étant formée par le travail libre de chaque esprit et étant en quelque sorte sa propriété, il arriva que ces dieux furent longtemps indépendants les uns des autres et que chacun d'eux eut sa légende particulière et son culte. Le même nom cache souvent des divinités fort différentes. Poséidon Hippios, Poséidon Phthalmios, Poséidon Irechté, Poséidon Aegéen, Poséidon Héliconéen étaient des dieux divers qui n'avaient ni les mêmes attributs ni les mêmes adorateurs. Comme la première apparition de ces croyances est d'une époque où les hommes vivaient encore dans l'état de famille, ces dieux nouveaux eurent d'abord comme les démons, les héros et les lares, le caractère de divinité domestique. Chaque famille s'était fait ses dieux, et chacune les gardait pour soi, comme des protecteurs dont elle ne voulait pas partager les bonnes grâces avec des étrangers. C'est là une pensée qui apparaît fréquemment dans les hymnes des Védas, et il n'y a pas de doute qu'elle l'ait été aussi dans l'esprit des Aryas de l'Occident, car elle a laissé des traces visibles dans leur religion. À mesure qu'une famille avait, en personnifiant un agent physique, créé un dieu, elle l'associait à son foyer, le comptait parmi ses pénates, et ajoutait quelques mots pour lui à sa formule de prière. C'est pour cela que l'on rencontre souvent chez les anciens des expressions comme celle-ci. Les dieux qui siègent près de mon foyer, le Jupiter de mon foyer, l'Apollon de mes pères. Je te conjure, dit Thecmès à Ajax, au nom du Jupiter qui siège près de ton foyer. Médée, la magicienne, dit dans Euripide, jure par Hécate, ma déesse maîtresse, que je vénère et qui habite le sanctuaire de mon foyer. Lorsque Virgile décrit ce qu'il y a de plus vieux dans la religion de Rome, il montre Hercule associé au foyer d'Évandre et adoré par lui comme divinité domestique. De là sont venus ces milliers de cultes locaux, entre lesquels l'unité ne put jamais s'établir. De là ces luttes de dieux dont le polythéisme est plein et qui représentent des luttes de famille, de cantons ou de villes. De là enfin cette foule innombrable de dieux et de déesses, dont nous ne connaissons assurément que la moindre partie, car beaucoup ont péri, sans laisser même le souvenir de leur nom, parce que les familles qui les adoraient se sont éteintes, ou que les villes qui leur avaient voué un culte ont été détruites. Il fallut beaucoup de temps avant que ces dieux sortissent du sein des familles qui les avaient conçus et qui les regardaient comme leur patrimoine. On sait même que beaucoup d'entre eux ne se dégagèrent jamais de cette sorte de lien domestique. Là, Déméter d'Héliosis resta la divinité particulière de la famille des Eumolpides. L'Athénée de l'Acropole d'Athènes appartenait à la famille des Butades. Les Potiti de Rome avaient un Hercule et les Nauti une Minerve. Il y a grande apparence que le culte de Vénus fut longtemps renfermé dans la famille des Jules, et que cette déesse n'eut pas de culte public dans Rome. Il arriva à la longue que la divinité d'une famille ayant acquis un grand prestige sur l'imagination des hommes, et paraissant puissante en proportion de la prospérité de cette famille, toute une cité voulut l'adopter et lui rendre un culte public pour obtenir ses faveurs. C'est ce qui eut lieu pour la Déméter des Eumolpides, l'Athénée des Butades, l'Hercule des Potitis. Mais quand une famille consentit à partager ainsi son dieu, elle se réserva du moins le sacerdoce. On peut remarquer que la dignité de prêtre pour chaque dieu fut longtemps héréditaire et ne put pas sortir d'une certaine famille. C'est le vestige d'un temps où le dieu lui-même était la propriété de cette famille, ne protégeait qu'elle et ne voulait être servi que par elle. Il est donc vrai de dire que cette seconde religion fut d'abord à l'unisson de l'état social des hommes. Elle eut pour berceau chaque famille et resta longtemps enfermée dans cet étroit horizon. Mais elle se prêtait mieux que le culte des morts au progrès futur de l'association humaine. En effet, les ancêtres, les héros, les mânes, étaient des dieux qui, par leur essence même, ne pouvaient être adorés que par un très petit nombre d'hommes et qui établissaient à perpétuité d'infranchissables lignes de démarcation entre les familles. La religion des dieux de la nature était un cadre plus large. Aucune loi rigoureuse ne s'opposait à ce que chacun de ces cultes se propageât. Il n'était pas dans la nature intime de ces dieux de n'être adorés que par une famille et de repousser l'étranger. Enfin, les hommes devaient arriver insensiblement à s'apercevoir que le Jupiter d'une famille était au fond le même être ou la même conception que le Jupiter d'une autre, ce qu'ils ne pouvaient jamais croire de deux lares, de deux ancêtres ou de deux foyers. Ajoutons que cette religion nouvelle avait aussi une autre morale. Elle ne se bornait pas à enseigner à l'homme les devoirs de famille. Jupiter était le dieu de l'hospitalité. C'est de sa part que venaient les étrangers, les suppliants, les vénérables indigents, ceux qu'il fallait traiter comme des frères. Tous ces dieux prenaient souvent la forme humaine et se montraient aux mortels. C'était bien quelquefois pour assister à leur lutte et prendre part à leur combat. Souvent aussi c'était pour leur prescrire la concorde et leur apprendre à céder les uns les autres. À mesure que cette seconde religion alla se développant, la société dut grandir. Or il est assez manifeste que cette religion, faible d'abord, prit ensuite une extension très grande. À l'origine, elle s'était comme abritée sous la protection de sa sœur aînée auprès du foyer domestique. Là, le dieu nouveau avait obtenu une petite place, une étroite cella, en regard et à côté de l'autel vénéré, afin qu'un peu de respect que les hommes avaient pour le foyer allât vers le dieu. Peu à peu, le dieu, prenant plus d'autorité sur l'âme, renonça à cette sorte de tutelle. Il quitta le foyer domestique. Il eut une demeure à lui et des sacrifices qui lui furent propres. Cette demeure, en grec naos, de grec naio, habité, fut d'ailleurs bâtie à l'image de l'ancien sanctuaire. Ce fut comme auparavant une cella vis-à-vis d'un foyer, mais la cella s'élargit, s'embellit, devint un temple. Le foyer resta à l'entrée de la maison du dieu, mais il parut bien petit à côté d'elle. Lui qui avait été d'abord le principal, il ne fut plus que l'accessoire. Il cessa d'être le dieu et descendit au rang d'autel du dieu, d'instrument pour le sacrifice. Il fut chargé de brûler la chair de la victime et de porter l'offrande avec la prière de l'homme à la divinité majestueuse dont la statue résidait dans le temple. Lorsque l'on voit ces temples s'élever et ouvrir leurs portes devant la foule, des adorateurs, on peut être assuré que l'association humaine a grandi.